Elle est borgne, c'est pour ça qu'elle suce avec les yeux. Non, je suis pas non. Que je veux dire quelque chose de correct, vous me laissez. Ah, la FLNC, tu nous fais chier. Hein. Non, non, mais. Ouais, c'est bon, si t'as envie de chier, tu te torches le cul. Sur les gestes, marre de faire mouiller les culottes. Ah, bah, attention, si, on attend ça, Gérard. Attends, j'écris. Vas-y, là, non, vas-y, on en dit. Est-ce que tu peux parler lentement pour qu'on prenne des notes, s'il te plaît? Non, non, mais de manière, j'ai. Ah, bon. Pour la rentrée, ça a été dur. Raconte. Tu n'as pas ça, ça, ça vous regarde pas. Non, fais mouiller les culottes, Gérard. Fais-moi bander, là. Non, alors, je vais vous dire une chose que. Ouais. Je vous ai posé trois questions. Sur les trois questions, il n'y en a qu'une qui a pu me répondre correctement. Deux qu'on peut répondre allô correctement. Comme par hasard, ça va être les deux. Répondre. C'est. Bon, c'est vrai, tu dis rien, juge. C'est quand Gérard. C'est quand et quand, c'est bon. Gérard, t'es pas là pour faire juge, j'ai dit. Quand Lyon, quand Lyon et les Yvelines. Voilà, terminé. C'est qui, Mortadelle et Claire, Louis? Gérard, on voudrait ta version et ensuite ta conclusion, s'il te plaît. Donc, ma version pour séduire une nana. Manière, merci, Gérard. Le regard, c'est bon. Les gestes, c'est bon. Je vois pas trop. Merci. Les yeux. Ok, c'est clair. Je vois pas trop. Parce que j'ai jamais vu qu'on pouvait séduire quelqu'un avec, avec les yeux. Le regard. À moi, sur les sujets de la séduction, donc ça. Arrêtez la musique, vive la Sky Roulette. Alors là, je vois pas du tout le rapport avec, avec le débat de ce soir. Kimberly. Oui. Alors le noir, qui le porte maintenant. Et là, vous allez retrouver Yannick pour la nuit sans pub. Demain matin, 6h, Lorenzo. Après? Et après, je ne sais pas, parce que Stéphane, moi... Stéphane, David, après. Bon, Stéphane, Dab, Libre Info, non, David, la Libre Info. Libre Info avec Florian Gazan. À 20h, vous allez retrouver Jessica, Doc et Arnold. Et à 20h... Jessica, Doc et Arnold. À 20h, à 22h, vous allez retrouver un babouin avec une babouine et un gorille au standard. Et tout de suite, la nuit sans pub. Bisous à tout le monde. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont laissé les courriers. Donc, je rappelle deux personnes tout de suite. Hein. Tu te crois aux Oscars là ou quoi? Oui, je me crois aux Oscars. Avec ta... Tout de suite, Run DMC avec Maya Didas. Mais je m'en fous. J'ai jamais regardé. Hein. Mais... On se parle plus. Oui, mais à ce moment-là, tu le saurais s'il n'était pas continent parce que tu aurais des traces. Donc, ah, c'est ça. Ouais, tu serais un continent. Ah, oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, okay. Cette pression existe. Hein? Et toi, Marie? Non, hein, on taquine un peu le hanneton de temps en temps quand même. Mais ça n'a rien de dramatique. C'est aussi pour certains. La masturbation est tout à fait essentielle pour mettre en place, si j'ose dire, le circuit nerveux du plaisir. Des costards. On va parler dans un instant, font bout quoi. Ah, arrête de m'offusquer toi. Bon, très bien, bouge pas. J'ai dit du vocabulaire. Vas-y, font bout, bouge pas, on va parler dans un instant, d'accord? Thank you. Frühstück! Los geht's, Cyber Squad!